Le 12, le théâtre de Morambong à Pyongyang a abrité le concert de l'orchestre symphonique d'État, gloire au général Kim Jong-un, consacré au 5e anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un à la magistrature suprême de notre parti et de notre État. Y ont assisté Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, les officiels des organismes du parti, des forces armées, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères et établissements centraux, ainsi que les cadres des organismes, usines et entreprises de la ville de Pyongyang et d'autres méritants.